Chae Ryong-hee, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti en visite en République de Cuba, en qualité de chef de la délégation du Parti de l'État de la République populaire démocratique de Corée, pour exprimer ses condoléances au décès de Fidel Castro Ruz, dirigeant suprême de la révolution cubaine, a eu une interview avec la télévision cubaine le 1er décembre. Il a dit: à la nouvelle du décès du camarade Fidel Castro Ruz, le peuple coréen est plongé dans le chagrin comme le peuple cubain. Le camarade Fidel Castro Ruz est l'ami intime du peuple coréen, son vieux compagnon d'armes de la révolution. Le camarade Fidel Castro Ruz a visité notre pays en mars 1986 et rencontré le président Kim Il-sung et le dirigeant Kim Jong-il. Il a fait de gros efforts pour le renforcement de l'amitié militante entre les peuples de deux pays, Corée et Cuba, qui sont à l'avant-poste de la lutte anti-impérialiste. Les relations d'amitié entre les deux pays, Corée et Cuba, établies par le camarade Kim Il-sung et le camarade Kim Jong-il avec le camarade Fidel Castro Ruz, se développeront toujours grâce au profond intérêt du respecté camarade Kim Jong-un et du respecté camarade Raúl Castro Ruz. Je suis certain que le peuple cubain fraternel surmontera la douleur due à la perte de son éminent dirigeant et défendra fermement la patrie, la révolution et le socialisme pour la prospérité nationale, selon le vœu du camarade Fidel Castro Ruz, sous la direction du camarade Raúl Castro Ruz.